Quand t'es jeune, tu veux devenir un homme. Le temps passe et on devient autonome. Puis entre potes, on s'appelle tous des bonhommes. Avec nos darons, les discussions deviennent un monologue. On n'écoute plus les autres parce que souvent ils prennent le monopole. On se livre plus entre potes dans un bon pub que dans la famille. Entre père et fils, les relations sont pauvres. On se rend compte que nos vieux sont pas à l'heure, pas dans la mode. Ils connaissent pas le dernier iPod. Souvent on vit un peu aux antipodes. On se cache derrière un masque. On montre pas notre vrai visage. Souvent on a besoin de cash, mais seulement faut pas que tu le saches. On vit en marche du système du contraste. À l'adolescence dans la casa ça part souvent en clash. On sait plus sur vous que vous sur nous. On trouve vos films de cul mais jamais vous. Trouvez la lettre vous si nos parents savaient tout, tout, tout. Ah te voilà toi, t'étais où encore? Rien, j'étais sorti faire un tour. Nous sommes la génération perdue, c'est Noël. Si nos parents nous voyaient, ils flipperaient. Ils comprendraient dans quelle merde on est, dans quelle embrouille on se met, dans quel état d'esprit on vit, on se traîne depuis le départ, c'est vrai. Nous sommes la génération têtue, c'est Noël. Si nos grands-parents nous voyaient, ils diraient vous êtes cinglés. L'écart s'est creusé, la complicité s'éloigne. On vit au-dessus des lois, écoute ton fils, il peut en témoigner. T'es jeune, tu veux devenir un homme. Les années passent, on devient adulte et là tu regrettes le temps où t'étais membre. Aujourd'hui c'est plus la même donne. On se réfugie, on tombe plus facilement dans de nouvelles drogues. Côté emploi c'est difficile sans copinage. On rêve d'une vie comme Cotillard. Daron te dit oublie les coquillages. Y'a que des conquinages. A ton âge j'étais posé en grillage. Arrête de te plaindre et va bosser, prends ton courage. À demain, j'ai dit ok d'accord. Vas-y je bouge de là, je sors le MP3. J'écoute du rap hardcore. Dans ma solitude je me sens bien et le sort s'acharne. La seule issue possible c'est un petit joint. Histoire qu'elle jamais vade, ils connaissent pas notre musique. Encore moins le morceau Rockit, on a pas la même optique. Ça fait un paquet d'if, ça laisse un gros vide. J'en fais un titre, si nos parents savaient tout, tout, ça ferait un gros hit. Nous sommes la génération perdue, c'est Noël. Si nos parents nous voyaient, ils flipperaient. Ils comprendraient dans quelle merde on est, dans quelle embrouille on se met, dans quel état d'esprit on vit, on se traîne depuis le départ, c'est vrai. Nous sommes la génération têtue, c'est Noël. Si nos grands-parents nous voyaient, ils diraient vous êtes cinglés. L'écart s'est creusé, la complicité s'éloigne, on vit au-dessus des lois. Écoute ton fils, il peut en témoigner. On considère que tout est nul, on veut pas regarder devant. La vie nous a rendus aveugles avec nos parents. On s'engueule depuis le départ, on prend des coups, on veut des thunes mais sans rien foutre. Parfois en rue, c'est la débrouille, on veut du rêve dans ce monde brut. Comment éviter le bad, adepte de la torture mentale. À 27 piges, on pleure plus man qu'un bébé qui braille. J'aime bien le temps où j'étais en train de jouer à la Mega Drive et tous ces jeux arcade, on se tapait des barres sur Sonic et Megaman. Quand t'es jeune, tu veux devenir un homme. Puis quand t'es homme, tu souhaites devenir jeune, c'est carrément plus drôle. L'âge adulte pousse dans le vif du sujet. Les larmes coulent et finissent toujours par sécher. J'ai squatté plus d'une zone, cramé plus d'une somme. De la Haute-Garonne jusqu'en Essonne, plus rien ne m'étonne. Si nos parents savaient rien que le minimum, si nos parents savaient tout, tout, tout, ils changeraient de méthode. Nous sommes la génération perdue, c'est Noël. Si nos parents nous voyaient, ils flipperaient. Ils comprendraient dans quelle merde on est, dans quelle embrouille on se met, dans quel état d'esprit on vit, on se traîne depuis le départ, c'est vrai. Nous sommes la génération têtue, c'est Noël. Si nos grands-parents nous voyaient, ils diraient vous êtes cinglés. L'écart s'est creusé, la complicité s'éloigne. On vit au-dessus des lois, écoute ton fils, il peut en témoigner. Nous sommes la génération perdue, c'est Noël. Si nos parents nous voyaient, ils flipperaient, flipperaient. C'est Noël. Nous sommes la génération perdue, nous sommes la génération têtue. C'est Noël. Si nos grands-parents nous voyaient, ils diraient vous êtes cinglés. Êtes cinglés, êtes cinglés. C'est Noël.